Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et c'est François Grégoire qui vous parle. Cette année, nous célébrerons le 100e anniversaire du pont de Québec, dont la construction s'est achevée le 20 septembre 1917. Alors, nous savons que le pont a 100 ans, car son histoire tumultueuse a été bien documentée et accompagnée de nombreuses photos. Quelques rares centenaires pourraient même se rappeler de sa construction. La datation de cet événement est donc facile à établir, mais qu'en est-il d'un événement comme la formation de la Terre? Alors aujourd'hui, on sait que la formation date que sa formation date d'il y a 4,54 milliards d'années et que des matériaux qui la constituent sont beaucoup plus âgés. Alors comment fait-on pour dater des événements ou des objets comme la formation de la Terre? C'est la question à laquelle va répondre Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi, François. Alors Jean-René, comme je le disais, alors aujourd'hui on sait que la Terre est vieille de 4,54 milliards d'années, plus ou moins 50 millions d'années, ce qui représente à peu près 1% d'incertitude. On sait également que certaines roches du Nouveau-Québec datent de plus de 4 milliards d'années et ce seraient des continents primordiaux. Alors, comment la science en est-elle arrivée à déterminer l'âge des objets et des événements? Comment et quand cette science a-t-elle commencé? Donc, en fait, la science de l'histoire de la Terre est relativement récente, mais je vais donner tout de suite la réponse de comment on arrive à des dates de formation de la Terre et à des dates de roches qui seraient représentatives des premiers continents. C'est en utilisant des éléments radioactifs avec une technique on peut faire l'analogie avec le sablier. Mais on va y revenir. Parce que l'histoire de la Terre, exactement, c'est fascinant. Pendant des siècles, sous l'influence des penseurs grecs, dont Aristote, on posait pas la question, on n'osait pas se poser la question. On supposait que la Terre avait toujours été là. Donc, on supposait. On prenait ça pour acquis, quoi. Oui, c'était acquis. D'ailleurs, c'était plus facile à expliquer que ça avait toujours été là que d'essayer de reconstruire une histoire et d'imaginer un début et de ce qu'il pouvait y avoir un début. Et il n'y avait pas de raison de croire qu'il n'y avait pas toujours eu des humains, qu'il n'y avait pas toujours eu certains des animaux qui nous entourent. Uh-huh. Et si on trouvait des choses comme des fossiles qui ne paraissaient pas du tout être comme des animaux d'autour de nous, on se disait c'est parce que on ne regarde qu'ici. Et si on voyait des animaux à la surface de toute la Terre, on trouverait des représentants correspondants aux fossiles. Donc, et ça, c'est un argument qui a suivi même au cours jusqu'à peu près au 19e siècle. Donc, et c'est intéressant votre rappel de l'histoire du pont de Québec, parce que les premières approches de déterminer un âge du monde, un âge de la Terre, viennent en fait de penseurs chrétiens, parce qu'on acceptait le texte de la Genèse comme étant un écrit sérieux qui représenterait la vraie histoire du monde. Donc, on a fait ce qu'on appelle la méthode de chronologie historique. Okay. Un peu comme on fait avec le pont de Québec, vous en êtes dans les journaux et vous remontez avec de plus en plus des anciens journaux et à un moment donné, vous allez dire, tiens, voilà, le journal déclare que le pont a été construit, le journal déclare que le pont s'est effondré dans ses premiers essais de construction. Donc, on fait une chronologie historique de cette façon. Donc, autrement dit, on se réfère à des choses qui ont été écrites ou produites. Exactement. Antérieurement. Okay. Et qui, dont on connaît, ouais, probablement plus ou moins l'âge. Et c'était intéressant parce qu'on a pris finalement la chronologie qu'on appelle de Moïse, qui est rapportée, oui, okay, dans les textes anciens. Et on les prenait comme quelque chose de vrai, de correspondant à la réalité. Et des gens ont fait, des érudits ont étudié des textes bibliques et ont remonté prenant le bon qu'on sait que Adam a vécu jusqu'à je sais pas combien, 700-800 ans, Mathusalem, 800 ans. Donc, on additionnait tous ces personnages décrits en succession dans les textes bibliques et on est arrivé avec l'étude la plus précise, qui est celle de l'archevêque Usher milieu du dernier millénaire, qui a déclaré que la Terre avait été créée finalement à partir, okay, de cette chronologie me souviens plus la date exacte, mais disons le 16 octobre, à 9h30 du matin, en 4004 avant Jésus-Christ. Uh-huh. Mais c'était très sérieux, c'était très recherché son approche. Sauf que toutes ses prémisses étaient fausses, entre guillemets, comme c'est on ça. Le sait maintenant. Mais comme vous dites, vous parlez de date, mais aussi il fallait être conscient du temps qui passe et de la marcation du temps là aussi. Exactement. Donc, en fait, cette notion a toujours été, mais c'est à quel point la notion que peut-être pas la Terre, mais que l'univers est éternel, cette notion a duré très longtemps. Einstein était convaincu que l'univers était... Newton l'était. Einstein a accepté qu'à tout dernier argument que l'univers avait un commencement avec la découverte de l'expansion de l'univers où tout, en fait, semblait avoir eu un début et d'autres arguments. Qui sont... Donc, ça a pris un certain temps. Mais les géologues... harcelait les physiciens dès le 18e siècle et surtout le 19e siècle en faisant appel à différents mécanismes qu'ils observaient pour expliquer justement les fossiles dont on parle, mais les couches de sédimentaires qui provenaient d'érosion des continents et qui se superposaient. C'est ce qu'on appelle la stratigraphie, ça? Oui, exactement. Uh-huh. Donc, les différents dépôts se sont produits et des gens ont fait des travaux en laboratoire pour savoir comment ça prenait de temps pour produire telle épaisseur de dépôt et ensuite compactifier cette épaisseur et la rendre sous des pressions grandissantes, dure comme de la roche, et littéralement transformer ces dépôts en roche. Et ils arrivaient à des chiffres qui variaient beaucoup, mais de l'ordre de centaines de millions d'années déjà au début du 19e siècle. Une autre méthode un peu reliée à ça qui est intrigante, donc l'approche était correcte, sauf que les chiffres n'étaient pas très précis. Uh-huh. L'autre que je trouve étonnante, moi, et qui a été utilisée par certains géologues aussi, qui se sont dit, on a des océans, l'eau est salée. Ouais. Et elle a un certain taux de salinité très élevé, enfin 40% de l'eau de mer et du sel. Ils se sont dit, mais au début, cette eau-là, elle n'était pas salée. Combien de temps ça va prendre pour rendre l'eau salée? Par érosion, encore une fois. Des pluies, c'est ça? C'est ça. Dissolution des différents minéraux. C'est ça. Et finalement, en arriver au taux de salinité qu'on a. Ils arrivaient à un chiffre assez étonnant. C'était à la fin du 19e siècle, de l'ordre de plus d'un milliard d'années. Ah, oui. Donc, c'est un peu hasard qu'ils avaient un gros chiffre parce que le processus en fait est plus complexe que ça. Mais on voit l'approche très scientifique cette fois-ci et qui essaie d'utiliser certains phénomènes physiques pour ce faire. Et est-ce que le taux de sel augmente encore dans les océans? C'est terminé, ça? Non, le taux de salinité continue à augmenter lentement parce qu'on a toujours des roches. Le cycle, on n'a pas de nouvelle eau qui arrive. Non, c'est ça. On ne renouvelle pas. Les quantités d'eau sont en toute dominance dans les océans. Les eaux terrestres, qui sont des eaux douces, sont petite quantité. Quand elle s'écoule dans la mer, elle ne change pas vraiment le taux de salinité de la mer. Okay. Et tranquillement, en fait, vu qu'on perd de l'eau très, très lentement, oui, le taux de salinité des océans augmente très, très lentement. Mais l'idée était excellente, mais le résultat et finalement le processus ne pouvait pas mener à un âge fiable de la Terre. C'est une démarche intéressante. C'est une démarche intéressante. Et c'était toujours des espèces de montages en étudiant des phénomènes physiques. Ceux qui étaient le plus proches des valeurs modernes, en fait, et d'ailleurs, on va parler des physiciens parce qu'ils étaient complètement à côté de la traque et ils ont mis les géologues sur une mauvaise piste. Donc, parlons-en des physiciens. Oui. Et entre autres, Kelvin, et certaines autres personnes, Kelvin de son approche, mais certaines personnes ont dit la Terre, c'est un peu l'exemple, la Terre a maintenant une certaine température. Mais on a toute raison de suspecter que la Terre, au début, était chaude. Oui, et qu'elle s'est refroidie avec le temps. Et donc, les gens ont utilisé les propriétés des différents métaux, parce qu'on savait que l'intérieur était peut-être plutôt métallique. Mais on savait pas que l'intérieur était chaud, comme on le sait, comme aujourd'hui. On supportait que l'intérieur était chaud, mais à peu près comme la surface. Donc, au début, c'était de la roche fondue, comme les laves. Et maintenant, ce sont des roches plutôt froides en température, en équilibre avec le rayonnement solaire qu'on a. Donc, on a calculé combien de temps ça prend pour refroidir du métal fondu, une boule grosse comme la Terre, pour arriver à la température actuelle. Et on arrivait à des températures, des durées de l'ordre d'à peu près quelques dizaines de millions d'années à une centaine de millions d'années. Okay. Donc, des chiffres quand même qui allaient au-delà du 4004 avant Jésus-Christ. Donc. Mais c'était encore une fois, d'ailleurs, les processus physiques sont plus complexes que cette simple description. Ça, c'est des physiciens, ça, qui poussaient. Okay. Donc, on ne pouvait pas avoir finalement une Terre qui était plus âgée. Et M. Lord Kelvin, qui était le pape de la physique anglaise à la fin du 19e siècle, lui avait calculé un âge aussi pour expliquer le Soleil. Oui, OK. Donc, et on connaissait pas comment fonctionnait le Soleil. Il s'est dit, le meilleur mécanisme pour expliquer la luminosité du Soleil, c'est que c'est une grosse boule de gaz qui s'est condensé à partir d'un grand nuage et qui est maintenant en contraction très, très lente. Et par cette grande contraction, c'est un phénomène physique qui est réel, va produire de la chaleur au centre tout en se compressant très lentement. Et de ça, il a évalué que de ce mécanisme, le Soleil ne pouvait pas avoir plus d'à peu près 20 millions d'années. Donc, difficile d'imaginer que la Terre avait plus que ça. Oui, c'est ça. Et que pour émettre une luminosité telle qu'elle est émise actuellement. Donc, on voit, les physiciens tendaient avec des âges de l'ordre de 10 millions d'années, quelques dizaines de millions d'années. Et les gens qui prenaient toutes ces autres techniques à partir de l'augmentation du taux de salinité, la stratification, eux, étaient dans les 100 millions et plus. Et arrive Darwin. Donc, Darwin, lui, de sa part, il dit, il regarde la stratigraphie, il regarde, maintenant, on reconnaît que les fossiles sont représentatifs d'anciens animaux disparus et qui correspondent à des changements des évolutions d'espèces. Et lui a déjà regardé certaines espèces et il a vu que pour passer d'une espèce à une autre, ça prenait des millions d'années comme telle. Une espèce apparaît, elle vit et elle disparaît par son cycle naturel d'adaptation ou d'élimination selon la sélection naturelle. Et Darwin arrive avec ses collègues évolutionnistes à des âges d'au moins 500 millions d'années. Oh là là, OK. Donc, en quelque part, tout le monde est un peu... c'est soit les physiciens à quelques dizaines de millions d'années ou les biologistes qui, en principe, connaissent pas grand-chose aux phénomènes astronomiques et géologiques. Qui a raison? Mais coup de théâtre, en 1895, Henri Becquerel découvre la radioactivité, n'est-ce pas? En effet. Donc, les physiciens arrivent avec... finalement un phénomène tout nouveau qui explique, commence à expliquer pas mal de choses. Donc, découverte de la radioactivité par Henri Becquerel et approfondissement de ce que c'est la radioactivité assez rapidement par des gens comme Pierre et Marie Curie, qu'on connaît bien. Sûr. Marie Curie va avoir d'ailleurs deux prix Nobel, un en physique et un en chimie pour ses travaux reliés à l'explication de la radioactivité, la découverte d'un élément clé de la radioactivité qu'on appelle radium, donc d'où le nom radioactivité. Et le personnage qui va jouer un rôle clé en disant parce qu'il y a des éléments radioactifs, l'univers n'a pas toujours existé. Et ces éléments-là ont été créés à un certain moment donné parce que si on laisse aller le temps, ils disparaissent littéralement. Donc, qu'est-ce que c'est la radioactivité? Effectivement. Qu'est-ce que c'est? La plupart des éléments, quand même, qu'on connaît sont stables. Donc, mais certains ont des noyaux un peu curieux, c'est-à-dire que ce qui détermine les propriétés chimiques, c'est le nombre de protons et le nombre d'électrons. Donc, mais dans le noyau a aussi, par force nucléaire, une autre particule qu'on appelle le neutron, qui tient tout ça ensemble. C'est les protons et les neutrons se tiennent comme une. Et il y a certains noyaux qui deviennent trop gros. Ils sont obèses de neutrons. Donc, et ils sont, à cause de ça, instables. Ils vont rejeter les neutrons, mais avec des façons bizarres. Ils vont, pas à coup de neutrons, c'est qu'ils vont rejeter ça à coup de paires protons et neutrons, des noyaux d'hélium. Donc, ils vont se démolir, littéralement, ce qu'on appelle radioactivité. En fait, ils vont se démolir, mais se transformer à un autre élément, moins lourd, et émettre certaines particules en même temps. Donc, comme vous l'avez signalé aussi, ce processus-là on ne peut pas prédire qu'un atome va subir une désintégration, mais si on a un grand ensemble, on va voir comme cette masse-là va avoir un flux radioactif très continu. Exactement. Donc, le noyau initial, qu'on appelle l'élément mère, va se désintégrer pour produire finalement un élément stable qu'on appelle l'élément fille. Mm-hmm. Et comme l'uranium qui se transforme en plomb, par exemple? Exactement, uh-huh. Ou le rubidium en strontium, donc uh-huh. certaines chaînes qu'on connaît bien. Le plus connu, c'est le carbone 14. Donc, le carbone 14, les gens ont datation carbone 14, qu'est-ce qui arrive? C'est le carbone 14, en fait, est un élément produit dans l'atmosphère lorsque des rayons cosmiques, des particules de hautes énergies frappent l'azote et transforment, c'est une collision qui transforme le carbone qui existe, CO2, qui est le carbone 12, et le transforme en carbone 14. Et le carbone 14, c'est 6 protons, 8 neutrons, le trop de neutrons obèses. Ah. Et sur une période qu'on appelle demi-vie, donc d'à peu près 5600 ans, l'atome de carbone 14 se désintègre en carbone 12. Okay, qui lui est très stable. Lui est absolument totalement stable. Et on appelle ici cette notion de demi-vie. Donc, vous avez une quantité de carbone 14 aujourd'hui. Dans 5600 ans, il va vous en rester la moitié. Donc, c'est ce qu'on appelle la demi-vie. C'est ça. Donc, si vous voyez ici l'analogie que je faisais au début, si vous prenez des éléments comme ça, c'est comme un sablier. Oui. Donc, au début, la partie supérieure du sablier est pleine et avec un certain écoulement qui est finalement le taux de radioactivité qui dépend des différents éléments, vous allez pouvoir, en fait, établir à partir de la quantité de sable qu'il y a dans la partie inférieure du sablier, combien de temps s'est écoulé. Donc, les géophysiciens, les géologues, maintenant, utilisent des éléments radioactifs présents dans les roches, des éléments radioactifs qui ont des demi-vies de l'ordre de centaines de millions d'années, de milliards d'années, pour finalement établir, à la méthode semblable au sablier, l'âge des roches de la Terre et des météorites. Et ça, on le fait en comparant justement les différents isotopes, comme par exemple la présence d'isotopes de carbone 12 sur celle de carbone 14, j'imagine? Exactement. Donc, le carbone 14 est un bon exemple qu'on peut réappliquer aux éléments qui forment les roches. Sauf que carbone 14, le carbone 14, lui, il n'est pas dans des roches. Il est formé artificiellement. Parce que le carbone 14 qui aurait existé au début de l'univers, il n'y en a plus. C'est ça. Il est formé continuellement ici. Mais la façon, le mécanisme est identique. C'est ce qui fait qu'on le retrouve dans les êtres vivants, par exemple? Exactement. Et qu'on peut dater des êtres vivants? Non. On ne peut pas dater des êtres vivants. Ça ne veut pas vivant, mais mort, je veux dire. Mort, exactement. Parce que l'être vivant fait circuler le carbone 14 continuellement. Parce qu'on respire. On mange. C'est ça. On utilise le CO2 de l'atmosphère et qui a une certaine teneur en carbone 14. Uh-huh. Et on mange et tout. Mais au moment où l'être vivant meurt, là, il n'y a plus de mécanisme qui renouvelle le carbone 14. On regarde justement la proportion qui diminue. Et on peut établir avec une grande précision l'âge, c'est-à-dire le moment où est décédé l'arbre, l'individu ou la plante ou tout organisme vivant. Mais pour faire ça, Jean-René, on n'est pas obligé de connaître la concentration initiale, justement, oui, au temps zéro. Ouais. Donc ça, c'est le grand défi de cette méthode. c'est un des grands, de savoir. Et il y a des méthodes qu'on peut se faire, c'est-à-dire en regardant les proportions des éléments stables, uh-huh. Comme tels, par rapport aux éléments instables. On peut inférer assez précisément la quantité d'uranium. Il y a trois isotopes principaux d'uranium, 238, 235 et 234. Donc, les trois sont radioactifs. Donc, le fait qu'il y en a, l'univers n'est pas infini à endurer. Ces éléments-là ont été formés un certain temps dans le passé. Donc, ce qu'on doit, mais ils ont été formés peut-être pas au moment où la Terre s'est formée. En fait, ils ont été formés dans une étoile très massive qui a précédé la formation Exactement. De la Terre, qui a précédé la formation du système solaire. C'est ça. Donc, là, il faut faire des différentes techniques et croiser des paires éléments-filles et éléments-mères radioactifs pour arriver à une espèce de niveau que devait avoir la proportion qu'on devait avoir, par exemple, entre l'uranium 238 et le plomb 207, qui est l'élément fille. Et finalement, le plus stable, c'est le 204, le plomb. Donc, il faut faire certaines hypothèses, mais en croisant plusieurs paires d'éléments radioactifs de longue durée de vie, on arrive à établir ça. L'autre aspect aussi, il faut supposer que les éléments, par exemple, restons avec le plomb, de 207, disons, je ne suis pas tout à fait sûr de la masse atomique, dans lequel se dégrade l'uranium, qu'on n'a pas perdu ni de l'élément mère, ni de l'élément fille de façon différentielle. Et ça, c'est toujours un petit peu embêtant, mais les météorites sont corrects parce que les météorites, eux, ne subissent pas des processus de retournement des roches terrestres à l'intérieur de la Terre, les fusions, les retransformations. Donc, c'est pour ça que les météorites sont pratiquement plus fiables parce qu'on peut leur faire plus confiance. Ils ont moins tripoté avec d'autres environnements plus complexes. Mais c'est intéressant parce que je parlais de Rutherford, c'est le premier qui est arrivé en 1908, qui a dit « Je vais utiliser... » Oui. Entre autres, le fait que l'uranium est radioactif, et je vais regarder l'hélium qui est prisonnier dans la roche. Ah oui, qui contient oui. l'uranium. Parce que l'uranium est radioactif, comme je le disais, il se décompose, il se défait en émettant deux protons, deux neutrons. C'est un atome d'hélium. Mais l'hélium est un gaz. C'est ça. Donc il reste pris dans la roche, quoi? Oui, il faut rester. Mais c'est ce qui était le problème, c'est que on sait que l'hélium va s'échapper. Mais tout de même, Rutherford avait raison. Et en fait, c'est lui qui nous a donné les pistes pour toutes les autres paires de radioéléments, éléments radiogéniques ou radioactifs, pour inférer l'âge de la Terre. Et il était arrivé avec un âge de l'ordre de 6 milliards d'années en étudiant certains échantillons de roches contenant de l'uranium et en regardant la quantité d'hélium qu'il y avait à l'intérieur de ces roches. Mais en regardant d'autres roches, il s'est rendu compte que c'était extrêmement variable parce que l'hélium est un gaz noble. Il s'échappe dès l'occasion qu'il peut avoir. Et Jean-René, pour terminer, quelle est la méthode la plus fiable qu'on a utilisée pour justement trouver l'âge de la Terre? En fait, c'est une combinaison de plusieurs paires de d'isotopes. D'isotopes, en fait, j'en ai quelques-uns ici. Donc, uranium-238 en plomb-206, uranium-235 en plomb-207. Et ces deux plombs, en fait, sont radioactifs, mais rapidement font du plomb-204 comme tel. Un autre, c'est le couple potassium-argon. Quoique l'argon présente le même, c'est un gaz noble, présente le même problème que l'hélium, mais il est plus lourd, donc il reste un peu plus dans son environnement. Et un autre qui est extraordinaire, qu'on utilise beaucoup pour les âges très avancés, c'est le samarium-147 je pense, c'est le néodium-143. Donc c'est toutes ces paires de différents éléments qui donnent aux géologues un outil extraordinaire pour établir que l'âge de la Terre est à peu près à 4,54 milliards d'années avec une erreur d'un pour cent, ce qui est pas mal. Oui, effectivement. Bien, écoutez, merci infiniment, Jean-René Roy, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes astrophysicien et professeur associé au département de physique à l'Université Laval. Et nous allons faire une pause publicitaire et nous vous revenons avec Édith Delery qui va nous parler de la pratique des mères porteuses. Restez avec nous.